ils sont venus en perquise hier. Ils sont venus chez un pote. Ils sont venus faire une perquise, ils l'ont sorti de la voiture, tout ça, ils l'ont mis dans le hall. Et il y a un policier, il est venu, il a baissé le pantalon devant tout le monde. Et son frère, il est venu, il leur a dit comme quoi, pourquoi vous lui baissez le pantalon à lui, venez me le baisser à moi. Et c'est parti en patate. Ils ont tiré le flashball, ils ont sorti le flashball, ils l'ont tiré à bout portant. Et il y en a un autre, il a sorti une bombe à crémogène. Et il y avait sa mère à côté, et ils l'ont gazé. Tu vois? Et les jeunes, ils ont pris rage, comme une maman qui a été gazée, bah, ils ont changé comme partout, quoi. On gaze ma mère, j'aurais fait la même chose, moi. Et pourquoi? Par rapport aux lois qu'il avait fait, tout ça. Et voilà. Et là, les jeunes, ils ont pris rage et il n'y a plus de. Il n'y a plus de respect. Ils ne nous respectent pas, nous on va respecter le maire. C'est la police du maire. Hein. Ils viennent normal avant quand ils venaient faire leur perquise le matin. Ils venaient tôt de bonne heure, il n'y avait personne à la cité, il ne se passait rien. Là, ils provoquent, ils viennent à midi, quand il y a tout le monde, ils viennent, ils osent baisser le pantalon. Et gazé une maman, une pauvre mère, alors qu'elle avait rien fait. Ça se fait ça de baisser un pantalon, c'est-à-dire moi tu baisses mon pantalon devant ma mère. C'est-à-dire ma mère elle me voit tout nu, c'est un manque de respect, c'est-à-dire il ne respecte plus. Ah là je sais pas. Non mais à mon avis c'est fini, mais c'est quoi le problème? C'est que ce soir la police ils vont passer. Et ils vont passer, ils vont regarder, ils vont rouler doucement, et ça va partir en échoufou, et c'est tout. Maintenant, faut plus qu'ils viennent, et c'est après, y'a rien. Et il faut des excuses aussi pour la maman. Ils viennent, ils gazent maman, ça c'est quoi ça.